Salut à toutes et tous, la tribu. Bienvenue dans la 89e Vampire Fix, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Et oui, salut la tribu, c'est Spike et je débarque dans votre salon comme toutes les semaines à la même heure. Je voulais remercier les nouveaux, les anciens, les nouveaux, surtout bienvenue. Vous êtes encore deux ou trois cette semaine, ça me fait énormément plaisir. J'espère qu'il y en aura d'autres. Aujourd'hui, c'était la 89e et avant-dernière de la saison. Merci de m'avoir suivi depuis le départ ou ceux qui sont arrivés en cours de route. Merci à vous. Si cette émission marche, c'est grâce à vous. Et vous inquiétez pas, même si je termine la semaine prochaine, je reviendrai au mois de septembre. On commencera tout de suite avec Enfant des rues, le nouveau Tagada Jones. C'est sur l'album La peste et le choléra, sorti le 3 mars 2017. On retrouve Vendredi 13, Perte et fracas et Narcissique. Un excellent album. Allez sur la page Facebook de Tagada Jones, ils sont aussi sur Bandcamp, à découvrir d'urgence. En continuant avec Run With The Wolf de Drakkar, c'est aussi le titre de cet album, sorti le 16 mars 2015. On retrouve Under The Banners Of War, Southern Cross et Call Of The Dragon Blood, un excellent album. On continuera avec une nouveauté, enfin c'est pas tout à fait une nouveauté, c'est Révolution de Rasta Bigood, c'est sur l'album Commando Bigood, sorti en 2014. On retrouve Les Vibes, Scabillan et Politiki, un excellent album. Allez sur la page Facebook de Rasta Bigood, il est sur toutes les plateformes légales. On continuera avec I Like It Eevee de Hellstrom, c'est sur l'album Into The Wildlife, sorti le 10 avril 2015. On retrouve Scream, Stick Individual et Jump the Gun, un superbe album. Et on finira ce bloc en live avec Hard to See de Five Finger Death Punch. C'est sur l'album War is the Answer, leur deuxième album sorti le 22 septembre 2009. On retrouve Dying Breed, Bulletproof et Falling in Hate, du bon son qui vieillit bien. Je t'ai en bleu.

Vampire Fric, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Revolution bringing me to my knees. motherfucker, take me to church. Shall I get louder than the boom of a big bass drum? I need it harder than the sound of guitar grunge. I love to crank it up, make it thump and leave them to the car. Headbanging in the pit and throwing my arms. And just like old school Sabbath, stepping and lemmy, I need to drop it down low and make it happy. Sky. Why it's so hard for me, so hard to see. projecting all my anger. I can't seem to get this through. The walls, they're closing in. I dare you to. I can't explain what's come over me. I can't. Vous êtes bien dans la 89e Vampire, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire Enfant des rues, le nouveau Tagada Jones, Run with the Vol de Drakkar, Révolution, le nouveau Rastabigou, I Like It TV de Alestrom. On a fini ce bloc en live avec Hard to See de Five Finger Death Punch. On continuera cette émission avec Paranoid and Aroused, le nouveau, enfin c'est pas une nouveauté, de Korn. C'est sur l'album de Paradigm Shift, sorti le 11e album, sorti le 8 octobre 2013. On retrouve Pray For Me, What We Do et Punishment Time, un excellent album. On continuera avec Parental Guidance de Judas Priest, c'est sur l'album Turbo, leur 10e album, sorti le 14 avril 1986. On retrouve Turbo Lover, Locked In, Rock You All Around the World, un classique de chez classique. On continuera avec le dernier carré de ADX, c'est sur l'album Ultimatum, leur 9e album sorti le 24 février 2014. On retrouve Commando Suicide, Le Brave des Braves et King of Pain, notamment un excellent album. On poursuivra avec Rapture de Blondie, c'est sur l'album Auto American, sorti le 19 novembre 1980. On retrouve Leave It Up, Here's a Look at You et Follow Me, du bon son classique. Et on finira ce bloc en live avec The Eaten de Bob Marley and the Wailers. C'est sur l'album Live Forever, enregistré le 23 septembre 1980 et sorti le 1er février 2011. On retrouve Positive Vibration, Zimbabwe et Coming from the Cold, entre autres. Un excellent album, le dernier album live de Bob. We'll be right back. Chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. cœur démesuré qui meurt en campagne au nom des fast. Flash is cool, Francois, c'est pas flash, ain't no do. And you don't stop, sure shot. Go out to the parking lot and you get in your car and drive real far and you drive all night and then you see a light and it comes right down and lands on the ground and out comes a man from Mars and you try to run but he's got a gun and he shoots you dead and he eats your head and then you're in the man from Mars. You go out at night eating cars, you eat Cadillacs, Lincolns too, Mercurys and Subaru and you don't stop, you keep on eating cars. Then when there's no more cars you go out at night and eat up bars where the people meet face to face, dance cheek to cheek, one to one, man to man, dance toe to toe. Don't move too slow, cause the man from Mars is through with cars. He's eating bars, yeah, wall to wall, door to door, hall to hall, he's gonna eat them all. Rapture, be pure, take a tour through the soul. Don't strain your brain, pain to train, you'll be singing in the rain. Say, don't stop, do punk rock. We'll be right back. pants again. He who fights and run away, live to fight another day. And the heathen back lay, pump the catch up with the heathen back lay, pump the watch. And the heathen back lay, pump the catch up with the heathen back lay, pump the watch. As a man so shall he reap, and I know that talk is cheap. But the heart of the battle, come the sweet touch of victory. And the heathen back lay, pump the watch. Vous êtes toujours dans la 89e Vampa d'Afrique, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. Paranoid and Aroused de Korn, Parental Guidance de Judas Priest, Le Dernier Carré de ADX, Rapture de Blondie, et on a fini ce bloc en live avec The Eaten de Bob Marley and the Wailers. On continuera cette émission avec Power Metal en vinyle de Pantera. C'est aussi le titre du quatrième album sorti en mai 88. C'est le premier avec Phil Anselmo au chant d'ailleurs. On retrouve Rock the World, Over and Out et Hard Ride. Je vous gâte cette semaine en classique de chez classique. On continuera avec Bon à Rien de Lofofora. C'est sur l'album Peu, leur deuxième album sorti en mi-août 96. On retrouve La Chute, Mental Urbain et une superbe reprise de Vive le Feu des Berru. Un album qui vieillit super bien. On continuera avec Give My Love de Black Uhuru. C'est sur l'album Mystical Truth sorti en 1992. On retrouve Questions, Don't You Worry, et Young School Girl, du bon vieux reggae qui passe tout seul. On continuera avec Mother of a Man de Mick Jagger, c'est sur l'album Wandering Spirits, son troisième album en solo, sorti le 8 février 1993. On retrouve Sweet Thing, Put Me in the Trash, et Sync, le meilleur album solo de Jagger. Et on finira ce bloc en live avec Head Down de Soundgarden. C'est sur l'album Super Unknown, leur quatrième album sorti le 8 mars 1994. On retrouve My Wave, Black Hole Sun et Like Suicide. Et une petite pensée pour Chris Cornell décédé la semaine dernière. Power plant you in the ground. Soupir Fric, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. See my gun. Stop. Vous êtes toujours dans la 89e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Power Metal en vinyle de Pantera, Bon à rien de Lofofora, Give My Love de Black Uhuru, Mother of a Man de Mick Jagger et on a fini ce bloc en live avec Head Down de Soundgarden. On poursuivra cette émission avec pas mal de nouveautés là, c'est tout un bloc de nouveautés. Understup, le nouveau Stupeflip, c'est sur l'album Stupvirus, leur 4e album sorti le 3 mars 2017. On retrouve The Antidote, Night of Chaos et Lonely Lovers, un excellent album. Allez sur la page Facebook de Stupeflip, ils sont sur toutes les plateformes de stream. Un petit like au passage, ils sont vraiment vraiment excellents pour ceux qui ne connaissent pas. On poursuivra avec une autre nouveauté, Kamtar, le nouveau Ultra Vomit. C'est sur l'album Panzer Surprise, leur 3e album sorti le 28 avril 2017. On retrouve Un Chien Gérant, Kalos Gira et Pete Pantera, un superbe album. Allez sur la page Facebook d'Ultra Vomit, ils sont aussi sur Bandcamp. On continuera avec une autre nouveauté, La Vie de Rêve de Demi Portion. C'est sur l'album De Chez Moi, son 4e album, sorti le 20 janvier 2017. On retrouve Demi Pablo, Ici la Terre et Danse avec les Loups, un album tout juste magnifique. On continuera avec Ne désespérez pas de Dobamix. C'est sur l'album Pour qui sonne le dub, sorti en 2014. On retrouve Vals in Dub, Les Petits Tracts et Manipub. Allez sur la page Facebook de Dobamix. Il est aussi sur Bandcamp et sur toutes les plateformes légales. Un petit like au passage, c'est vraiment un bon gars. Et on finira ce bloc en live avec Mein Herz brennt de Rammstein. C'est sur le Live in Paris, sorti en avril 2017. Il a été enregistré en 2014 et on retrouve tous les classiques de Rammstein depuis le départ. T'écoutes quoi là ? Vas-y, t'écoutes quoi là ? C'est le dernier stu ? Hein ? Vas-y, fais-moi écouter. Vas-y, fais-moi écouter, s'il te plaît. C'est le dernier stu, là. Fais-moi écouter deux secondes. Mais non, putain. Ça fait 20 ans que le stup pousse, papa reste in peace. J'ai vu trop de trucs atroces, la tête coincée dans la matrice. Dans le trou, pas d'actrice, mon âme est pleine de cicatrices. Tes paupières se plissent, énergie vocifératrice. Le crew te fait décroche, pas coup de savate, ça va trop vite. Ça c'est ma nouvelle stup, attaque altruiste, anti-médiati. Le truc est bandé comme un arc, tendu comme une catapulte. T'écoutes le groupe culte qui refuse le monde adulte. On est le flip-flip-crew, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller. Car nous sommes l'understup, la ligue anti-réactionnaire. Les guerres sur la terre. On est le flip flip crew, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller. Car nous sommes l'understup, la ligue anti-réactionnaire. Le stup persévère, stoppera les guerres sur la terre. Y'a des gens qui pensent que l'être humain il est mauvais, qu'il est méchant, qu'il changera jamais, bref qu'il est mauvais. Si les gens pensent ça, on va droit vers la guerre. Et si on va droit vers la guerre, y'a plus qu'à faire ses prières, alors pense pas ça. Pense pas que l'homme est mauvais, il est bon comme moi. À part quand j'étais enfant, on décapitait les mouches, torturer les fourmis, oui je me vengeais sur ceux qui étaient plus petits. On est le flip flip crew, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller. Car nous sommes l'understup, la ligue anti-réactionnaire. Le stup persévère, stoppera les guerres sur la terre. On est le flip flip crew, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller. Car nous sommes l'understup, la ligue anti-réactionnaire. Le stup persévère, stoppera les guerres sur la terre. Les petits cris au secours, la peur pète le sort. Il est dans cet amour qui pourrait mettre tout le monde d'accord. Faut que tu t'encarres, trip à mort. Ma clique a vraiment trop de cœur. Je check les bisounours, un cocard pour les prédateurs. Tes rêves se barrent en saucisse, faudrait que ça cesse. Ouvrir le vasistas, tu ronges ton os. Pense qu'à tes fesses seul dans la populace. Le businessman crame, prêt à tout pour de l'oseille. Le king prend le chrome, réveille le bon gars qui sommeille. On est le flip flip crew, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller. Car nous sommes l'understup, la ligue anti-réactionnaire. Le stup persévère, stoppera les guerres sur la terre. On est le flip flip crew, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller. Car nous sommes l'understup, la ligue anti-réactionnaire. Stupeflip, flip, flip. La vita, Lev. On te dit quoi il faut penser ou quoi écrire. Quoi écrire. On est comme on est, faut que la vie de rêve. Et y'a rien à faire. La vie, je l'aime, y'a rien à faire. Comment te dire, ça passe trop vite. Le monde se perd. On est comme on est, faut que la vie de rêve. Y'a rien à faire. La vie, je l'aime, y'a rien à faire. Comment te dire, ça passe trop vite. La vie de rêve d'ici, on l'a jamais recherché. La seule drogue, trop de gars sont restés perchés. Combien de papas ont tué leur vie au tiers. C'est la vie de rêve, non, dis-nous qui va la remercier. La monnaie, on sait très bien qu'elle nous fait marcher. La clé de la réussite, bloquée ou cadenassée. Depuis tout petit, l'envie de se lever, progresser. La liberté, ne jamais se laisser dresser. Vous découvrir, ça m'a toujours intéressé. Je n'ai jamais voulu m'engraisser. Je pense à papa et tous ceux qui partent blessés. C'est ça la vie, de A à Z on finit décès. On est comme on est, faut que la vie de rêve. Y'a rien à faire, la vie je l'aime, y'a rien à faire. Comment te dire, ça passe trop vite, le monde se perd. On est comme on est, faut que la vie de rêve. Y'a rien à faire, la vie je l'aime, y'a rien à faire. Comment te dire, ça passe trop vite. La vie de rêve d'ici, on l'a jamais ressenti. Voit la vie en rose, n'a plus rien de splendide. Qui se demande comment mon album est sorti. J'ai appris à me tuer pour un public averti. Je transpire comme la sueur laissée sur chaque scène. Ouais, j'ai appris à me faire tout petit. Y'a pas de secret, toujours travailler dans son style. Aucune formule, tant que le message s'éparpille. Rolex est parti, le kick t'empile. Écoute ça, tranquille, laisse les mauvais s'enfuir. Liberta totale, c'est ça être pur indé. Pas marcher sur les autres, la seule façon de grimper. On est comme on est, faut que la vie de rêve. Y'a rien à faire, la vie je l'aime, y'a rien à faire. Comment te dire, ça passe trop vite, le monde se perd. On est comme on est, faut que la vie de rêve. Y'a rien à faire, la vie je l'aime, y'a rien à faire. Comment te dire, ça passe trop vite. Loin de l'idéal, loin des rêves que l'on fait la nuit. Loin de l'idéal, loin des rêves que l'on fait la nuit. On vit dans l'espoir de sortir d'ici un jour. Les belles images. C'est pour Sony et Toshiba. Les belles images. Un, deux, ça suffit pas. Les belles images. Les belles images. C'est pour Sony et Toshiba. Demi-portion. Didier Rolex. Ha. De chez moi. Fuck la vie de rêve. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. werden unter euer Werkzeug sehen. Nun, liebe Kinder, geht frei Nacht. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich hab euch etwas mitgebracht. Vous êtes toujours dans la 89e Vampire Bridge et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un super bloc là. Understup, le nouveau Stupéflip. Kantar, le nouveau Ultra Vomit. Et ouais, ça ressemble à du Rammstein, j'ai pas pu résister. On a écouté ensuite La Vie de Rêve de Demi Portion, ne désespérez pas de Dubba Mix, et on a fini avec Manners Brands en live de Rammstein. On continuera cette émission avec Ça sent le sapin de Los Tres Puntos, c'est sur l'album Hasta la Muerte, sorti le 19 septembre 2011. On retrouve Tanta Agonia en mouvement et Macadam Pigeon. Allez sur la page Facebook de Los Tres Puntos, ils sont sur toutes les plateformes légales, ils sont sur Bandcamp, ils sont sur YouTube, ils sont partout. Un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. On continuera avec Gravity de Def Leppard, c'est sur l'album 10, leur 8e album, sorti le 30 juillet 2002. On retrouve Unbelievable, You're So Beautiful et Love Don't Lie, un excellent album. On continuera avec une nouveauté, God Please Believe Me, le nouveau Body Count, c'est sur l'album Bloodlust, leur 6e album, sorti le 31 mars 2017. On retrouve Civil War avec Dave Mustaine de Megadeth. All Love Is Lost avec Max Cavalera et No Leaves Matter, un top album. On continuera avec une nouveauté, Dancing in the Hurricane de le nouveau Epica, c'est sur l'album The Holographic Principle, sorti le 30 septembre 2016. On retrouve Age of the Blade, Phantasmatic Parade et Once Upon a Nightmare, un excellent album. Et on finira ce bloc en live avec Iron Maiden et Running Free. C'est sur l'album Made in Japan, sorti le 14 septembre 81. On retrouve Killers, Remember Tomorrow et Innocent Exile. C'est un des rares albums avec Paul Di'Anno au chant. Servant la soupe à Sarkozy en courant sous sa bannière. Les raisons de ma colère, ces rebelles de salons engraissés de subventions disant que les hommes sont frères. Les raisons de ma colère, c'est vous bouffiez ces salades et je passe pour un malade resté fidèle à mes repères. Les raisons de ma colère, c'est les gens de mon conseil qui me souhaitent bon sommeil car il y a pire sur terre. Les raisons de ma colère, c'est la traîtrise de ces cons vivant par procuration en bavant leur bile amère. Les raisons de ma colère, c'est l'ignorance crasse où l'on garde la populace pour qu'elle gomme sa misère. Les raisons de ma colère, c'est ma faiblesse devant ceux étouffés par les sérieux qui traitent ma vie de galère. Faut-il allumer le feu près des escouades de pompiers? À cultiver la confusion, le système survit dans la médiocrité. Vendre ses gadgets en brûlant enflammé à des mains avides qui ne veulent qu'acheter. Ce ne sont que les flamèches de la conformité. On veut faire oublier la liberté, mais jamais la supprimer. Malgré le feu de la télévision, malgré la voix de la répression. Ça sent sa part dans nos quartiers, alors des barrages nourris des tapas de luxe à la télé t'apporte la popularité. Les mascarades médiatisées, le bal des vampires costumés jusqu'à la moelle. On se fait pomper, y'a plus un caillou à sucer. Ici c'est Versailles, la route en est quelque part. Entre la qui est minée, plus le temps de faire du social, plus le temps va bientôt péter. Il vaut mieux s'appeler Mittal, avoir une Rolex au poignet. Faut-il allumer le feu? Les raisons de ma colère, c'est vous bouffiez ces salades et je passe pour un malade resté fidèle à mes repères. Allumer le feu? Les raisons de ma colère, c'est ces gens de mon conseil qui me souhaitent bon sommeil car il y a pire sur terre. On survit sans élan, oh, inside of me. It's like I'm wide awake, can't recognize, I'm hypnotized. These feelings got me crazy. This gravity is killing me. I can't stand up from falling down. I lied to myself. It don't make it easy. If somebody else would only believe me. My sweat soaks the sheets and I'm hung up to dry. It's a trick of the light. Inside of me, it's like I'm wide awake. Can't recognize, I'm hypnotized. These feelings got me crazy. This gravity is killing me. I can't stand up from falling. Gravity is dragging me. My head's about to break. Insanity inside of me, it's like I'm wide awake. Can't recognize, I'm hypnotized. These feelings got me crazy. This gravity is killing me. Vampire Fric, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. I spent my life between the light blue lines of blue fleet. I split my time between impressionable minds and true beef. I spent my days up, nights up. It's too hard to sleep. Look at my face. Not the one of someone at peace. I carry guns when I don't need to. But my mind's so fucked. I see assassins coming out of the rough. I keep my doors locked, windows shut, shades down, 4 pound, waiting on some Satans who may think of invading. When I do sleep, I dream about pain and unrest, about gunfights and dum-dums exploding my chest. I see my boys that have died sitting with me again. And when I wake, I realize that I lost most of my friends. Will my past come back to get me? Will them buses that we shot come back to wet me? I'm paranoid. It ain't easy when your lifestyle was grimy and greasy. I'm trying to make peace with the karma of drama. God, please believe. Thank you. On vient de s'écouter « Ça sent le sapin » de Los Tres Puntos, « Gravity » de Def Leppard, « God Please Believe Me » le nouveau « Body Count », « Dancing » de Hurricane le nouveau « Epica » et on a fini ce bloc en live avec « Running Free » de Iron Maiden. Et oui, cette 89e Vaporfix touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Merci de... pour toutes vos écoutes, merci pour vos messages. La semaine prochaine, je remercierai toutes les radios qui nous diffusent, les 10 radios qui diffusent mon émission. Comme je disais, de toute façon, cet été, au moins sur un des Spirit, il y aura des rediffs et peut-être même qu'il y aura de la première saison, donc on va rigoler 5 minutes. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission. On finira cette émission avec Space Firm de Primus. C'est sur l'album Tales from the Punchbowl, sorti le 23 mai 1995. On retrouve Mrs. Blaylin, Glass Sandwich et On the Tweak Again. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Salut à toutes et tous et n'oubliez pas, Vampire Fix, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu!